Bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, la nouvelle, elle est écrite par John Reel, qui est un écrivain danois né en 1931 à Odense. Il a 21 ans quand il s'engage dans une expédition scientifique dans le nord, au Groenland, où il passera 16 ans. Donc, l'histoire que je vais vous raconter fait partie des racontars. Ce sont des histoires véridiques, un petit peu, je pense, bien imagées. Donc, vous allez vous amuser avec le roi Oscar. Où Alvior noie sa déception dans le schnapps et où vieux Nils se montre bien imprudent dans ses amitiés. Vieux Nils et son compagnon s'achetèrent un cochon. Ce n'était qu'un petit cochon quand il débarqua de la Vesle-Marie. Mais au fil des mois, il devint de plus en plus grand et gros. C'était vraiment un gentil cochon. Et à en croire vieux Nils, c'était aussi un joli cochon. Ils l'appelèrent le roi Oscar, du nom du fjord où ils habitaient. Le roi Oscar eut sa propre maison, une cabane à charbon qui avait été calfeutrée avec des mottes de gazon et équipée d'une vieille cuisinière qu'on avait placée au milieu de la cabane. Le roi Oscar était donc chaudement et joliment installé. Bien sûr, il fallait maintenant laisser les morceaux de charbon dans la neige, mais même si le gel les agglutinait et que la neige colmatait le tas, cela en valait la peine. Selon vieux Nils, en tout cas, si bien que le cochon était à l'aise et prospérait. Il ne fallut pas si longtemps avant que le roi Oscar ait ses habitudes. Il hurlait quand il avait faim, ce qui était presque toujours le cas, et hurlait quand il manquait de compagnie, ce qui arrivait très souvent. Vieux Nils adorait ce cochon, mais son compagnon, qui s'appelait Alvor, le détestait. Vieux Nils et Alvor n'étaient pas des travailleurs acharnés. Ils surveillaient bien sûr les pièges qu'ils avaient posés, mais c'était vite fait parce qu'ils les posaient tout près de la station, à Ona. Ils n'étaient ni assidus ni ambitieux parce qu'ils n'avaient pas de projet de retour en Europe et considéraient donc que ce n'était pas la peine d'amasser trop de peau. Quand ils avaient faim, ils tuaient un des bœufs musqués qu'il y avait toujours en quantité suffisante dans les vallonnements derrière la cabane. Et si une envie de friandise les prenait, il y avait des perdrix des neiges dans la montagne, des petits phoques de fjord et des huîtres sur les rochers qui affleurent par marée basse. Les pots qu'ils prenaient grâce aux pièges leur assuraient charbon, pétrole, alcool du commerce et autres articles de première nécessité. Avec le temps, vieux Nils et le roi Oscar furent de plus en plus comme cul et chemise. On aurait presque pu dire qu'il y avait désormais 3 personnes à la station de chasse à Hona. Et 3 personnes dans la même galère, ce n'est jamais bien. La compagnie du cochon suffisait à Nils, et cela agaçait au plus haut point Alvor. Non qu'il fût jaloux du roi Oscar, grand Dieu non. Seulement, il se sentait bien mieux à l'époque où vieux Nils et lui-même vaquaient, chacun de son côté, à leurs occupations. Non, il était tout bonnement furieux de voir tous les soins que vieux Nils prodiguait au cochon. Parfois, le roi Oscar n'avait plus faim, mais n'en criait pas moins pour autant. Alors, vieux Nils allait le chercher à la porcherie. Il le portait jusque dans la petite salle de séjour de la cabane de chasse et, là, il restait avec le cochon sur les genoux pendant des heures, le grattant derrière les oreilles ou à la racine de sa queue en tire-bouchon avec le bout de sa pipe. Le roi Oscar ronronnait et grognait de plaisir dans le cou de son protecteur. Ils se plaisaient ensemble, ces deux-là. Et plus vieux Nils et son cochon passaient de temps ensemble, plus Alvor fulminait. Qu'ils doivent partager la salle de séjour avec Nils au quotidien passe encore, mais que son maudit cochon y soit aussi, c'en était trop. Il râlait, faisait la gueule et tapait du poing sur la table, mais cela ne servait à rien. Nils et Oscar le regardaient simplement et écarquillaient les yeux sans rien comprendre. Vint un jour où le cochon fut trop gros pour que le vieux Nils puisse le porter. Il essaya bien de lui mettre l'un des colliers des chiens et de le tirer jusqu'à la maison, mais cela n'alla pas du tout. Le cochon était trop fort et se débattait violemment. Le roi Oscar ne voulait pas être mené en laisse. C'est donc vieux Nils qui, muni d'une lampe à pétrole, alla s'installer dans la porcherie, où il se mit à lire l'un des deux livres de la maison, à savoir « Instructions, connaissances nautiques et navigation dans le sud Groenland » et « L'Ancien Testament ». Il lisait en grattant distraitement le derrière du roi Oscar. De temps à autre, il parlait avec le cochon de ce qu'il avait lu ou il citait quelques lignes de l'Ancien Testament qui lui semblaient édifiantes pour une paire d'oreilles de cochon. Halvor souffrait. Halvor était de ces hommes qui sont condamnés à souffrir. D'abord, il souffrait de la compagnie de Nils et d'Oscar parce que vieux Nils était un cochon qui ne se lavait jamais. Et sur ce point, le roi Oscar ressemblait parfaitement à son maître et souverain. Ensuite, Halvor souffrait parce que Nils parlait sans arrêt de son petit monde à lui, qui était bizarre et à bien des écarts, tout à fait incompréhensible pour Halvor. Mais Halvor souffrit surtout quand Nils alla s'installer chez le cochon dans la porcherie. Il souffrit alors parce qu'il n'avait plus aucun sujet d'irritation et se sentit alors très seul. C'était la nuit polaire, cette époque où justement on a besoin de compagnie. Après presque un mois passé dans ces conditions, Halvor s'adonna des tentatives de séduction. Il prépara de délicieux petits pains à la farine blanche et offrit à Nils du café fort avec du sucre candi. Rien n'y fit. Nils resta chez le cochon. Halvor se mit alors à brasser de l'imiak, la bière groenlandaise, et il distilla de l'eau de vie, qui n'était pas sans garder un petit goût amer, mais qui cependant avait de quoi satisfaire la soif d'un homme altéré. Halvor faisait tout cela parce qu'il ne supportait plus de rester seul soir après soir. Il porta la bière et l'eau de vie dans la porcherie et les posa devant vieux Nils et le cochon. Puis il attendit derrière la cuisinière pour voir comment ses cadeaux seraient reçus. Mais ces deux-là, Nils et Oscar, le virent à peine. Ce fut au moins son impression. Ils se parlaient comme si Halvor n'existait pas le moins du monde, et c'est seulement quand il fut parti qu'ils se servirent des boissons. Vieux Nils avait toujours bu, mais le cochon s'y mit aussi. Il eut des maux de ventre, et vieux Nils le gava d'eau de vie, car il savait d'expérience que c'était un remède à la plupart des maux. Le ventre se calma. Et le roi Oscar de changer de caractère. Il devenait comme vieux Nils, l'expliqua au malheureux Halvor, à proprement parler, humain. C'est à ce moment qu'Halvor commença à haïr. Il haïssait Nils et il haïssait Oscar. Surtout, il se haïssait lui-même. Il restait seul dans la silencieuse salle de séjour, cultivant sa haine. Il se saoulait tous les soirs, en se goinfrant de petits pains de blé. Vieux Nils trouvait qu'il devenait bizarre, mais se rassurait en se disant qu'il l'avait sans doute toujours été. Avant, sa singularité n'avait qu'un effet intérieur. Maintenant, elle apparaissait même à l'extérieur. Un jour, Halvor se mit à pleurnicher et dit qu'il avait été tenté par une femelle. « Ah bon ?» répondit vieux Nils débonnaire. Il avait lui-même, dans ses jeunes années, été tourmenté par des cauchemars de ce genre. « Eh oui, dit-il, vaudrait sûrement mieux que tu ne touches pas à l'eau de vie pendant quelques jours, petit Halvor. Mais t'as vu que t'as besoin d'une purge. » Mais Halvor jurait qu'il disait la vérité. « Elle m'a tenté au-dessus de mes capacités, octa-t-il, et, se cachant la tête dans les bras, il se mit à sangloter, secoué de tout son corps. « Allons, allons, allons !» le consola Nils. « Ne prends pas cela au sérieux, Halvor. C'est quelque chose qui travaille comme un moulin dans le crâne quand on est jeune. » Il attrapa la bouteille d'eau de vie devant Halvor et la glissa dans la corbeille de nourriture du roi Oscar. « Au-dessus de mes forces !» sanglotait Halvor. « Une vraie garce avec un groin et une queue en tire-bouchon !» Le vieux Nils le laissa en paix. Il alla chez le roi Oscar et lui exposa la situation. Hey, j'ai bien l'impression qu'il fréquente une de tes copines, petit Oscar, rigola-t-il en grattant l'oreille rugueuse du cochon avec le bout de sa pipe. Qu'est-ce que tu penses de ça, mon ami? Nils s'assit sur la chaise et ouvrit le livre. Ce soir, je crois qu'on va se farcir un passage du Cantique des Cantiques, dit-il, et il se mit à lire lentement. Il y a 60 reines et 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Il leva les yeux. D'où Jésus ? Quelle effroyable quantité de bonnes femmes il se procurait, ce Salomon. Heureusement qu'Halvor n'entend pas ça. Au milieu de la période sombre, ce fut comme si Halvor se revigorait un peu. Il portait pour de longues tournées de chasse et revenait avec les joues rouges et des renards dans le sac. Mais ses yeux brillaient comme des boutons vernis et il était évident maintenant qu'il buvait autant à l'extérieur qu'à la maison. Puisqu'Halvor partait à la chasse, il était naturel que vieux Nils reste à la maison. Il y avait le cochon dont il fallait s'occuper et de plus, il était responsable du ménage et du dépeçage des renards. Il arrivait à Halvor de rentrer bouleversé. La première fois, c'était parce que le vilain en personne avait voulu le rejoindre sur le traîneau. Ensuite, ce fut Kubia, un individu bizarre, moitié homme, moitié animal, qui l'avait raccompagné jusqu'à la maison. En ces occasions, vieux Nils, voyant que le compagnon n'était pas loin du grand vertigo, apportait une chaise supplémentaire dans la porcherie et les deux hommes restaient ainsi à la chaleur de la cuisinière, le cochon à leurs pieds. Nils lisait, Halvor écoutait et le roi Oscar dormait. Halvor ne se sentait plus délaissé pendant ces soirées. Mais dès que le plus fort de son effroi s'était calmé, le vieux dégoût pour les deux autres lui revenait dans la porcherie et il se retirait à nouveau dans la maison et la solitude. Décembre arriva et le roi Oscar était plus gros que jamais. Halvor aiguisait son couteau de chasse tous les jours et se réjouissait à l'idée du moment où une taillade dans la gorge du cochon mettrait fin à ses jours. Il était sûr que tout serait à nouveau comme avant. Nils se reviendrait à la maison et ils passeraient à nouveau leur soirée à jouer aux cartes et à causer de la vie sous ses aspects divers. Un soir, Halvor dit à Nils « Oui, je suppose qu'il est bientôt temps. » « De quoi faire, Halvor ? Mais de s'occuper du repas de Noël. »« C'est vrai, oui, c'est bientôt Noël. » Nils hocha la tête. « Je suppose qu'on descend un bœuf musqué comme l'année dernière. » « Moi, j'avais imaginé tout à fait autre chose, » répondit Halvor avec un sourire féroce. « Des perdrix ? Mais il n'y a pas de perdrix en cette saison, petit Halvor. Et nous n'en avons pas congelé, que je sache. » « Moi, je tiens pour le bœuf. »« Et moi, je tiens pour Oscar, » répliqua Halvor en ayant du mal à réprimer la joie dans sa voix. « Oscar ?» Nils le regarda stupéfait. « Tu ne veux pas dire sérieusement qu'Oscar pourrait servir de repas de Noël ?»« C'est pourtant bien la raison de sa venue ici, » répondit Halvor. « Oui, oui, à l'époque, tout a changé depuis l'automne, » protesta Nils. « Nous l'avons acheté pour le bouffer à Noël. C'était comme ça et ça restera comme ça, » décida Halvor. Pas question. Pas Oscar. Halvor frappa de la main sur la table. Cette année, je veux du rôti de porc au menu. C'est clair, Nils ? Il sortit son couteau et en caressa le tranchant. Nils, malheureux, regarda son compagnon. « Tu n'es pas sérieux, Halvor. Tu aimes Oscar autant que moi. Comment pourrait-on le tuer ?»« Comme ça, » répondit Halvor en passant le dos de son couteau le long de sa gorge. « Comme ça, clac ! Ça ira tout seul. » Mais là, Nils se mit en colère. « Tu ne touches pas à Oscar, » hurla-t-il. « Au diable, si je veux me débarrasser de lui !»« Je possède la moitié de ce cochon, ne l'oublie pas. »« Alors je t'achète ta moitié. »« Elle n'est pas à vendre, » ricana Halvor, triomphant. « Tu auras ma part des renards de l'année, » hasarda Nils. « Je veux du porc, je te dis, la moitié d'Oscar sur la table. » Il criait de plus en plus fort. Et à la fin, plus personne n'était capable de comprendre ce que hurlait l'autre. Enfin, vieux Nils d'un bond franchit la porte et la claqua dans un énorme fracas. Halvor salua sa sortie d'un gros rire hystérique. Il gesticulait dangereusement, le couteau au-dessus de sa tête, en hurlant « La moitié d'Oscar sur la table, Nils, tu entends ?» Vieux Nils s'installa dès lors pour de bon chez le roi Oscar. Il emporta son sac de couchage et son fusil et logea dans la cabane. Il ne faisait plus confiance à Halvor, avait un peu peur de ses yeux brillants et alla jusqu'à verrouiller la porte de l'intérieur quand il se couchait. La veille de Noël, Halvor se pointa devant la porte de la porcherie et s'écria à vieux Nils « Ouvre, Nils, je viens chercher ma part !» Et son rire fit frissonner Nils. C'est le diable en personne que tu trouves si tu entres, riposta Nils. Il agrippa son fusil et en fit claquer plusieurs fois la culasse pour qu'Halvor comprenne qu'il était sérieux. Halvor retourna à la cabane et s'arma d'une hache. Sur la pointe des pieds, il alla au pignon arrière de la porcherie et en enfonça les planches de quelques coups forcenés. Nils, qui ne s'attendait pas à une attaque par derrière, se retourna et tira en direction du trou. Cela mit en action le roi Oscar. Avec un cri aigu, il sursauta, effrayé, prit de la vitesse, traversa le trou qu'avait fait Halvor avec la hache et courut droit entre les jambes de son boucher, qui était pourtant paré, avec fusil et hache. Halvor tomba à la renverse et le roi Oscar fila ventre à terre vers la grande vallée qui menait jusqu'à l'Inlandsis. Vieux Nils se partit comme une fusée à travers le trou à la poursuite de son cochon adoré. « Oscar ! » hurlait-il. « Reviens, petit Oscar ! Reviens !» Mais les projets d'Oscar étaient autres. Il trissait à travers la vallée, la neige l'enveloppant comme de la fumée. Halvor riait aux larmes. Il était plié de rire et arrivait à peine à tenir son fusil quand il tira sur le cochon. « Maintenant, je prends ma moitié, que tu le veuilles ou non, Nils. Ha ha !» clama-t-il, ravi, en voyant le cochon tourner comme une toupie et faire un bond gigantesque. Il rit. « Putain, ça c'est de la danse. C'était ton chant de cygne, petit Oscar. » Halvor resta seul dans la station plus d'un jour et une nuit. Puis revint vieux Nils. Il était sacrément engourdi et l'appela pro de vie comme du petit lait. « Alors, Nils, dit Halvor, ça s'est quand même terminé comme je voulais et je pense qu'on ne devrait plus en causer. » Il n'essaya pas de triompher parce que ce n'était pas dans sa nature. Il était simplement content du retour de Nils, car maintenant tout redeviendrait comme avant. Pour lui, Nils pouvait bien vaquer à ses occupations domestiques, bien au chaud dans la maison, pendant que lui-même se chargeait dans le froid de la tournée des pièges, pourvu qu'il puisse à nouveau passer des soirées agréables et confortables, comme avant d'avoir ce foutu cochon. Mais Nils était devenu un autre. Il avait quelque chose d'évasif dans les yeux et il semblait avoir perdu l'envie de faire quoi que ce soit. Le soir, il bouffait ce qu'on posait devant lui et buvait docilement de l'alcool maison quand Halvor l'empressait. Hébété, il dormait beaucoup. Halvor pensait que la nostalgie de son cochon allait sûrement se dissiper et pour l'heure se satisfaisait de la simple présence de Nils à la maison. Mais vieux Nils ne retrouva jamais sa bonne humeur. Quand il arriva le printemps, il était encore bizarre et Halvor n'y pouvait rien. C'était comme s'il voulait rester seul avec son deuil. Et Halvor, qui finalement était un bon copain, le laissait en paix. Il le nourrissait pour l'empêcher de dépérir et il lui fournissait bière et autres nécessités vitales. Halvor se demandait naturellement comment la perte d'un cochon pouvait marquer à ce point un homme. Mais pas une seconde, il ne regrettait l'assassinat du roi Oscar. Le cochon avait, à ses yeux, représenté pour Nils une fréquentation dégradante. Halvor eut en toute chose beaucoup d'égards envers vieux Nils ce printemps-là. Il assura le plus gros du boulot, dehors comme dedans. Et il fit des efforts pour parler de sujets qui, il le savait, faisaient plaisir à Nils. Jusqu'au dernier moment, il espéra arriver à entrouvrir la porte et attirer le vieux, le gentil Nils, vers la lumière du jour. La glace partit tôt, dès le début juillet. Halvor et Nils commencèrent à se rendre en montagne tous les jours pour guetter le bateau. Silencieusement, ils gravissaient la montagne, restaient assis à regarder silencieusement, puis retournaient silencieusement à la cabane, jour après jour. Mais cette situation n'était pas trop grave, se disait Halvor, et pour tout dire moins pénible que pendant l'hiver où Nils se vouait totalement au cochon. Enfin, un jour arriva le bateau. Halvor tira un coup de fusil en l'air et agita sa casquette. C'était merveilleux de revoir le bateau. Cela signifiait des bons petits plats, du tabac, de l'alcool, du commerce et de nouveaux visages. Halvor tira encore quelques coups et partit en courant annoncer la nouvelle à vieux Nils. Nils était assis au soleil devant la maison à regarder engourdi vers le fjord. « Il arrive, Nils !» hurla Halvor hors d'haleine. « La Vesle-Marie mouille là-bas !» Les deux compagnons firent route ensemble jusqu'à la plage. Tandis qu'Halvor parlait, gesticulait, vieux Nils gardait un silence de carpe. La Vesle-Marie tourna sa proue vers le large et jeta l'ancre. Ils entendirent la chaîne cliqueter à travers le tunnel et le capitaine stopper la machine. C'étaient des bruits chers et bien connus. Halvor buvait des yeux les hommes en train de mettre une yole à la mer et d'y monter. Il ne pouvait pas se tenir tranquille et trépignait impatient au bord de l'eau pour les accueillir. D'abord, on se serra la main avec le capitaine et les autres. Ensuite, on tira la yole au-dessus de la marque des marées et on mit le cap sur la maison. « Eh bien, Halvor, dit le capitaine Olsen, tout a l'air normal ici. Vous avez passé un bon hiver ?»« Oh, très bon !» répondit Halvor, heureux, car c'était merveilleux d'entendre à nouveau des voix humaines. « Un hiver exquis, avec une excellente chasse !» Le capitaine rit. « Oui, c'est en effet extraordinaire à Ona. Où est-ce que tu caches vieux Nils ? Il est resté là-bas. » Halvor montra du doigt vieux Nils, qui était resté à bouder un peu plus loin sur la plage. « Où ça ?» Le capitaine Olsen fronça les yeux pour mieux voir. « Là-bas ? Ça ? Ben oui, il est devenu un peu bizarre, le vieux, mais ça va sûrement passer maintenant que vous êtes arrivé, » rit Halvor. « Tu te fous de moi ou quoi ?» grommela le capitaine. « Ce cochon, là-bas, c'est vieux Nils ?» Halvor se frappait les cuisses. « Elle est bonne, celle-là. Faut reconnaître que Nils n'a jamais été particulièrement propre. » « Ça, là-bas, c'est un cochon !» maintenait le capitaine. « Mais c'est Nils !» répondit Halvor, un tantinet agacé. « Ça, c'est la meilleure !» Le capitaine, furieux, tapait du pied. « Quand je dis que c'est un cochon, c'est que c'est un cochon !» Halvor hurla hors de lui. « Et quand je dis que c'est Nils, c'est que c'est Nils. Le cochon, je l'ai descendu avant Noël. » Le capitaine Olsen resta comme foudroyé. Il prit Halvor par le bras et le regarda d'un air scrutateur. « Halvor, chuchota-t-il, si ça là-bas, c'est vieux Nils, alors où est le cochon ?» Halvor sourit largement et regarda le visage du capitaine avec des yeux qui brillaient comme des boutons bien astiqués. « Le cochon, Olsen ! Mais nous l'avons mangé à Noël ! » !»« Eh oui, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais quand même pas vous faire passer cette histoire à Noël. Hein. Oh là là, non. Bon. » En attendant, j'espère que j'ai trouvé une musique qui vous fera plaisir. La folie, live première, Canbin am Bergam. Ça, c'est une musique qui a été écrite ou chantée en 2013. Passez une très très bonne semaine sur Radio Gemozo 107 FM. À tout bientôt! Driving through the rain in a dirty car.